était déjà tout seul, c'est possible. Comment est-ce un doctorat si tu es déjà tout seul, c'est possible? C'est trop petit, trop limité. Moi, je suis allé voir mon médecin la fille. C'est un grand médecin, c'est un bon médecin, c'est un médecin déjà. Fait que, il m'a donné un remède, là. Puis il me dit, monsieur Bernard, il dit, demandez donc s'il est bon le remède. Vous voyez, j'ai l'écriture, là, j'ai fait la bouteille. J'ai dit, moi, vous dites ça, attends une minute. J'ai écrit sa bouteille, c'est le remède. Fait qu'un client des gens se passait. Fait que samedi, ben, ce remède-là, il ne faut pas prendre ça avant 3 semaines. J'aurais dit, ça allait écrire sa bouteille, mais donnez pas à cette personne-là le remède avant 3 semaines. Ça, c'est l'intelligence de l'intelligence. Heureusement que j'ai un médecin intelligent. Parce que quand un client va dans un bureau de médecin, puis c'est le client qui dit au médecin si c'est bon de remède, en général, tu finis dehors de son bureau. Ben, je choisis mes médecins. Mais le point que je veux faire, c'est que c'est très difficile pour l'homme de comprendre qu'être intelligent, tout ça, c'est passé. On a besoin de l'intelligence de l'intelligence pour être sûr qu'on est intelligent. On est fait à l'œuf. C'est pour ça que quand je parle de l'ego, puis de la relation de l'ego avec les forces occultes, c'est très, très important pour nous autres de comprendre qu'éventuellement, au cours de l'évolution, l'homme devra s'amener à confirmer dans sa conscience le rapport avec les forces occultes. Quand je veux dire confirmer, je veux dire pouvoir supporter ce rapport. Parce que si vous n'êtes pas capable de supporter votre rapport avec les forces occultes, donc avec l'énergie de votre ajusteur de pensée, de votre double, appelez ça comme vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de supporter le rapport, ça veut dire que vous avez des forces astrales qui encore bloquent votre vision des choses. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes encore régi par les lois de la mort. Vous n'êtes pas en conscience morontière. Donc, l'évolution, c'est pour amener l'homme éventuellement à une conscience morontière, pour que l'homme, quand il sort de son corps, au lieu d'aller sur le plan astral, qui est un plan de réincarnation, sur la Terre ou sur d'autres plans, ça va directement en conscience morontière, c'est-à-dire dans des mondes qui font partie de l'organisation systémique des intelligences, et non pas dans un monde ou des clans qui font partie de l'ordre inférieur des consciences astrales, qu'on appelle des âmes. C'est important que vous preniez l'expérience de personnes qui ont été suffisamment près de ce que vous appelez les structures invisibles des clans pour comprendre que l'ego doit apprendre derrière. Il y a rien que ça à apprendre. Apprendre à se protéger contre les forces occultes au cours de sa vie, s'il va en évolution consciente. Vous ne pouvez pas vous permettre de traiter l'occulte, ou même les sentiers battus à côté, là, les sciences ésotériques, tout ça, là, tout ce qui n'est pas régi par la logique. Vous ne pouvez pas vous parler religion établie. Vous ne pouvez pas vous traiter avec les sciences occultes ou ésotériques de manière secondaire. Parce que dépendant de qui vous êtes, dépendant de votre vibration, parce que tout est vibratoire, vous pouvez vous retrouver un jour en contact avec des entités qui peuvent vous malmener. Vous pouvez vous trouver en contact avec des forces qui ne sont pas nécessairement les forces que vous voudriez connaître. Fait que l'homme, il faut que l'homme se protège. Et une des raisons pour laquelle, une des raisons pour lesquelles je vous invite à vous protéger en tant qu'ego, c'est pour éliminer de votre conscience personnelle la spiritualité, la naïveté, l'envie, l'ambition, tous ces paramètres-là, tous ces aspects-là qui font que la vie occulte demain, au lieu d'être intéressante, vivante, agréable, devient percutante, difficile et souvent extrêmement pénible, parce que l'homme n'a pas la science des lois occultes. C'est certainement la première fois dans l'histoire de l'humanité, de l'ésotérisme, des lois, ou de l'occultisme, ou des sciences paranormales, qu'on met l'homme en garde contre les sciences paranormales. Parce qu'on a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quand je dis que l'ego, c'est une quantité insuffisante, je veux dire trois choses. Je veux dire que l'ego ne connaît pas l'agenda des forces occultes. Donc, si vous ne connaissez pas l'agenda des forces occultes, il y a des choses dans votre vie en tant qu'être que vous devez à tout prix protéger le plus possible, dans la mesure de votre possible. Votre santé, en premier. La chose la plus importante dans votre expérience, c'est votre santé. Parce que même si vous êtes intelligent, créatif, si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez rien faire. La santé, ça arrête votre vie. Votre santé. L'autre chose où vous devez vous protéger, c'est au niveau matériel. Vous vivez sur un plan matériel. Et le plan matériel est régi par des lois économiques. Protégez-vous, surtout à partir du moment où vous êtes jeune. Et étudiez les sciences de l'argent sur terre. Étudiez-les, lentement. Fiez-vous pas à votre mari, puis à votre femme, puis à quelqu'un d'autre. Étudiez-les. Étudiez les sciences de l'argent comme vous étudiez les sciences de la chimie ou les sciences de la physique. Pour un jour, quand vous arrivez à un certain âge, que vous soyez libre de ces grandes forces sociales-là qui dominent aujourd'hui la conscience de l'humanité. Commencez ça, jeune. Mais étudiez-les sérieusement. Pour pouvoir un jour être libre. Vous ne pouvez pas simplement travailler. Parce que les forces de vie sont faites, sont structurées pour créer de la surabondance. Et personne n'y échappe, les rois, les princes. Les forces de vie sont structurées parce que la Terre est une planète expérimentale. C'est une école. Donc, si on rentre dans un nouveau cycle, et qu'on veut dans un nouveau cycle, réellement s'approprier les forces occultes, c'est-à-dire en arriver en tant qu'homme, en tant qu'être, en arriver à devenir des êtres de lumière au lieu d'être simplement des êtres en conscience expérimentale, il va falloir que l'homme fasse certaines choses. Il va falloir que l'homme s'éduque à faire certaines choses. Et protéger sa santé, ça en est une, numéro un. Et étudier les sciences économiques de la Terre, que vous soyez dans n'importe quel pays, vous êtes aux Indes, en Afrique, n'importe où. Étudier les sciences économiques pour un jour ne pas être trop affligé et affecté par des changements dans les conditions économiques ou par des conditions qui feront de vous autres des êtres qui auront perdu le contrôle de votre destinée matérielle. On vit en 1995, on vit dans un temps extrêmement approprié pour ça. Il y a beaucoup d'informations, la télévision, les universités, les écoles, les livres, on a tout pour pouvoir aujourd'hui, surtout aux États-Unis, c'est déjà commencer à libérer les masses du travail incessant et commencer lentement à investir intelligemment dans des structures financières qui permettent un jour un accroissement du capital et un rapport avec la matière dans 50 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qui feront de vous des êtres finalement qui pourront se reposer après avoir travaillé durement et difficilement pendant 40 ans. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a d'affaire, ça? Viendrez me revoir un jour, puis regardez vous-même aujourd'hui, regardez votre vie aujourd'hui, puis vous allez voir que votre vie aujourd'hui, indépendante de votre santé et de vos finances. Le vieil adage, là, que quand je suis en amour, tout marche, là. Faites attention, vous allez voir que ça ne dure pas longtemps, ça. Mon mari va me supporter, ça, pas sûr. Amen. Ah, pas sûr. Fait que finalement, le troisième, ça va être votre intimité. Le contraire. Vos relations intimes, vos vies intimes. Avant, vous mettiez votre vie intime en premier. La santé en dernier, puis l'économie au centre. Là, je vous dis, bien, un jour, vous allez être plus cher, ça de bon. Mettre la santé en premier, le matériel, les finances en deuxième, puis l'intimité en troisième. va venir un temps où l'homme va être un petit peu plus conscient. Quand je parle de l'homme génériquement. La femme, elle va être un petit peu plus en contrôle de ses émotions. L'homme, il va être un petit peu plus intelligent. La femme, elle va comprendre l'homme un petit peu plus, puis l'homme va comprendre la femme un petit peu plus. Fait que ça va être plus facile pour les êtres de réellement traiter avec les problèmes de l'intimité. Aujourd'hui, c'est un gros problème chez l'homme, c'est un gros problème pour la femme, puis il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Mais, si vous n'avez pas de santé, vous êtes fait. Si vous n'avez pas d'économie, vous êtes fait. Parce que si vous n'avez pas de chum, ben, vous n'avez qu'à vous en trouver un. Là, vous allez dire, ouais, mais d'un coup, c'est pas aussi facile que vous dites, ça, je comprends. Mais au moins, quand tu n'as pas de chum, tu n'es pas mourante. Quand tu n'as pas de chum, tu peux rentrer chez vous le soir. Mais quand tu es mourant, parce que tu es malade, puis tu n'as pas de toi, puis tu as un chum, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'avoir un chum, ça va se passer. Si t'as pas de santé, puis t'as pas de toi. Puis ça, je vous dis ça en passant, parce que vous allez voir que j'ai raison, là. Si vous avez une bonne santé, puis vous êtes protégé au niveau matériel, les forces occultes vont avoir moins de chances de vous attaquer. Parce qu'astralement, vous allez être moins vulnérable. Et si vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas de matériel, vous allez écouter. C'est pas l'amour qui va arranger rien. Il y a quelqu'un qui disait, un penseur moderne qui disait, ça doit aller mal, ça va aller mal. Dans n'importe quelle situation, si ça doit aller mal, ça va aller mal. Tu ne répares pas ton auto, tu laisses aller. Un jour, ton père va perdre sa vie. Paf! Tu prends pas soin de ta santé. Un jour, paf! Fait que ce qui doit aller mal, il ira mal. Ça, ça fait partie des lois d'entropie négative qu'on trouve tant au niveau matériel qu'on trouve au niveau psychique. Et dans l'évolution d'une conscience avancée, après toutes les expériences profondes, des gens qui auront mis sur place des dispositifs de compréhension de la relation entre l'invisible et le matériel ou l'ego, l'homme comprendra effectivement au 21e, 22e, 23e siècle que le statut de sa vie et de sa conscience sur une planète expérimentale il est stable, dans la mesure où lui contrôle ces éléments-là. Le reste, si vous faites frapper par un automobile, mais là, tu n'as plus de problème. Fait que la mort, c'est pas le problème. Tu fais frapper par un char, tu fais frapper par un char. Et puis là. Et si ta santé est touchée, tu as des problèmes d'économie, puis tu ne regardes pas ça, ces choses-là, dans l'ordre de grandeur que je vous donne, un jour, avec votre sensibilité croissante, vous allez trouver ça tough, la conscience évolutionnaire. Parce qu'on a l'impression, nous autres, les humains, on a l'impression que les forces occultes, c'est-à-dire les forces qui travaillent qui sont dans l'évolution sur les autres plans, ont un agenda qui convient au nôtre. C'est pas nécessairement ça. Parce que la vie matérielle pour eux autres, c'est bien, bien secondaire. C'est la vie morontienne qui compte. Donc, le corps matériel. Vous savez qu'Edgar Cayce était le voyant, le fameux voyant. Vous avez dû en entendre parler. Une journée, il était devant un élevateur. Il allait devant un élevateur. Puis, il voyait l'aura, lui. Puis, il y avait du monde dans l'élevateur, peut-être une dizaine de personnes. Puis d'un coup, bon, il n'y a plus d'aura. Fait qu'il n'est pas rentré dans l'élévateur. L'élévateur a continué, descendu, le fil a cassé, puis les gens se sont tués en bas. Parce que les gens, il avait vu que les gens n'avaient pas d'aura. Tu ne rentres pas dans l'élévateur où les gens n'ont pas d'aura, quand tu es voyant. Mais l'aura, il vient d'où? cette lumière-là qu'un voyant voit, c'est, qu'est-ce que c'est qui crée cette luminosité-là? C'est ton ajusteur de pensée. Donc, quand ton ajusteur de pensée sait que toi, tu vas rentrer dans l'élévateur et tu vas t'écraser parce que ta vie est finie, il coupe le courant, là, le voyant ne vaut plus l'Europe. Fait que c'est important pour chaque être humain d'avoir un aura qui est toujours allumé. Ça veut dire que c'est important pour un être humain de savoir ultimement qu'un lien universel. Et éventuellement, l'homme aura un lien universel. Quand tu as un lien universel, ça veut dire que ton aura est allumé, que tu vis des grandes transformations, des grands chocs de vie, mais ton aura est allumée. Tu vas aller en dedans et dire, t'es-tu là, toi-là? S'il ne te répond pas, là, t'as un maudit prophète. Parce que là, t'as peut-être plus d'aura. Tu sais? Fait que t'es dans l'avion, là, le pilote a perdu son chemin, t'es en Haïti, vers la République dominicaine, dans les montagnes. Moi, je sais, je l'ai vécu avec ma femme. Ma femme est à blême. Puis elle me regardait, elle me disait, qu'est-ce qui se passe? Je lui disais, t'es correct que je suis là. Tu calmes. On encore l'aura. Contact est là. Mais s'il n'y avait pas eu de contact, là, tu t'en vas en avant, puis tu prends une commande d'avion. Tout ça pour parler un petit peu, mais pour vous dire qu'avec le temps, l'homme va savoir. Il y en aura de lui. Quand il va être en stress, quand sa vie va être en danger, quand il va être sans mère, quand il va être dans les airs, quand il va être dans des conditions où sa vie est menacée, quand il va s'en sortir, il va être menacé. Tant que tu sais que tu as une aura de caractère, tu passes ton temps, tu brûles ton temps, les choses se rééquilibrent, mais tu as une aura, tu n'as pas de problème. Tandis que l'homme inconscient, lui, il n'est même pas conscient qu'il y a une aura. Fait qu'il vit sa vie quand même, mais il vit simplement sur une base expérimentale. Il prie le bon Dieu. Il prie les saints, rarement. Mais ça ne veut pas dire que ça lui donne une aura. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas bien universel. Et l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, c'est le rétablissement de ce lien-là. Mais il y a un prix à payer, effectivement. Puis c'est la restructuration de notre moi. Une nouvelle façon d'être, de vivre, de voir, de penser, de communiquer, et c'est pour ça que, même si c'est grand, cette évolution-là, même si c'est fondamental à l'évolution de l'âme, il demande tout de même qu'on doit être, à travers certaines expériences, on doit être mis au courant de certaines lacunes qu'on a par rapport aux forces occultes. C'est dans ce sens-là que je suis en guerre contre l'ésotérisme et l'occultisme. Que je l'ai toujours été. Pas parce que c'est pas bon. C'est pas parce que les gens là-dedans sont impliqués et ne font pas ce qu'ils peuvent. Mais parce que l'homme ne connaît pas l'occulte des sciences occultes. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de lien universel. Il faut parler avec eux autres pour savoir qu'est-ce que c'est ça. Tu peux pas rationaliser, tu peux pas réfléchir. Tu ne peux pas simplement faire des voyages astraux. Faire un voyage astral, c'est pas une mesure. Un des plus grands voyages du 20e siècle a décidé un jour d'arrêter ça, les voyages astraux, Rudolf Steiner. Est-ce que tu es encore en astral? Alors, l'homme a besoin d'un lien universel, puis quand il y aura ce lien-là, bien, sa conscience sera extrêmement édifiable. Puis, son temps sur Terre sera certainement son dernier cycle d'évolution sur Terre. Puis l'homme continuera à évoluer dans des mondes systémiques qui ne font pas partie, qui ne sont pas liés au monde de la mort. Les gens ils disent, bon ben, ça veut dire qu'on ne meurt pas? J'ai dit non. C'est pas qu'on ne meurt pas, c'est qu'on ne va pas dans la mort. Il faut être naïf pour penser qu'on ne meurt pas. Un gars ne peut pas rester ici un forever. Il faut que tu changes de char dans l'antenne. Il y en a qui sont prêts avec des Hetzel et ils veulent l'écarter. Mais sortir de son corps et aller en conscience monotielle au lieu d'aller à l'abîme astral. Là, c'est un peu. Là, c'est intéressant. Donc, quand je vous dis que les forces occultes ont un agenda, c'est très important. Pour vous permettre, finalement, dans le cadre de l'instruction, de vous protéger le plus possible contre cet agenda-là. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre, de devoir se protéger contre les forces occultes. Parce que c'est une nouvelle nation, c'est une nouvelle façon d'être. On a l'impression que les forces occultes vont aider l'homme. Les forces occultes ne sont pas là pour aider l'homme. Ils sont là pour éclairer l'homme, afin que lui-même s'aide. Pas pareil. Ça, vous pouvez prendre note de ça aussi. Si vous pensez que les forces occultes sont là pour aider l'homme, vous êtes en totale erreur. Comme ils disent en anglais, you're misguided. Les forces occultes sont là pour éclairer l'homme. Que lui-même s'aide, sinon il n'y aura pas de liberté. Puis on a tendance, à cause de notre foi spirituelle, nos antécédents mémoriels, notre façon de traiter avec l'invisible, à cause des religions auxquelles on a appartenu pendant des siècles, on a tendance à penser que cette gang-là de l'autre bord, ils vont nous aider, ça ne marche pas de même. Vous seriez surpris de la brièveté des communications que j'ai avec le plan mental en ce qui concerne, dans ma vie, des questions très, très importantes. Elle sait que ça fâche ma femme. Ils sont là pour m'éclairer, pour que moi je m'aide. Sinon, si on a l'attitude de « Ah, ben les forces occultes vont nous aider », je vous assure de très grandes défaites dans votre vie. De très grandes défaites. À court ou à long terme. Surtout si vous travaillez avec des forces du mental. Si vous travaillez avec des forces astrales, c'est un opérément. Ça fait partie de votre karma en tant qu'être humain. Ça fait partie de votre service à l'humanité, possiblement, si vous êtes voyant. Souvent, les voyants vont dire « Ah, mais je suis capable d'aider du monde, mais je ne suis pas capable de m'aider moi-même. » Comment se fait que le gars est capable d'aider du monde, des étrangers, il est capable de s'aider lui-même, il n'y a pas d'information. Ça fait partie de son karma en tant qu'individu. Et si vous travaillez avec des forces mentales, des forces du mental, à ce moment-là, mais les lois sont autres. Ils sont là pour éclairer l'homme, afin que l'homme lui-même s'aide. Sinon, vous allez développer une dépendance psychologique, une dépendance occulte, ésotérique. Vous allez spiritualiser votre relation avec ces forces-là, puis éventuellement, ils vont vous avoir, parce qu'il y a un agenda derrière chaque individu qui travaille ou qui est en relation avec le mien, à un niveau ou à un autre. Bernard de Montréal inclus. Il n'y a pas un pays au monde où on a une science de l'occulte aussi avancée au Québec. On est très avancé dans le temps. On a un avantage historique extraordinaire. Pas un avantage. Regardez ce qui se passe avec les sectes, là, où les gens qui s'en vont sur Sirius. C'est pas sérieux, ça. Parce que l'ego ne connaît pas les lois occultes. Ce n'est pas traité avec des forces occultes. Ce n'est pas fini, non, et donc. Ça fait 20 ans que j'en parle. Ça va être une autre sauce, une autre façon, un autre gourou, un autre groupe. Puis les âmes, c'est comme des brebis. Il y aura toujours quelqu'un pour vous convaincre de quelque chose, dépendant de la faiblesse que vous avez. Si vous n'avez pas d'identité, vous êtes ça. Regardez ce que Hitler a fait. C'est un peuple. On n'ose même pas en public révéler les antécédents occultes, les liens occultes entre Hitler et les sociétés secrètes. Puis, c'est pas connu du public. C'est connu pour les gens qui suivent ça un petit peu de proche. Là. Ils n'ont même pas voulu en parler à Nuremberg parce qu'ils ne voulaient pas que les officiers allemands ou l'ISS soient amenés à déclarer les sanités. Parce que dans le code de loi criminelle moderne, tu peux pas parler des forces occultes. Donc, toutes les théories du feu puis du feu puis de la glace de Horbiger puis tous ces gens-là qui ont été en contact avec des hindous puis des choulas indiens, c'est totalement, ça fait partie de l'éducation moderne. Ça devrait le faire un jour, partie de l'éducation moderne, parce que ça démontre jusqu'à quel point un homme qui est chevauché peut créer dans la vie d'un homme ou d'une nation des conditions épouvantables si l'homme, on ne parlera pas de la nation, mais si l'homme n'a pas d'identité. L'identité, c'est la seule richesse qu'on a. La seule, il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est le seul moyen que l'homme a de ne pas être vidangé de ses énergies, de ne pas être manipulé dans ses énergies. Il y a assez de force dans le monde là, qui manipule et qui manipule. Mais vivre son identité, c'est très difficile. Parce qu'on a toujours besoin d'être réconforté. On a toujours besoin d'être assuré par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Bien, on ne développe pas de force intérieure. On n'a pas. Quand il y a quelque chose de puissant, de fort, on s'écroule. Ou on coule dans la direction de cette force-là. On ne connaît pas les événements là, qui vont se produire dans l'humanité de l'heure, 21e siècle. Donc, si l'homme n'a pas d'identité, il est fait. C'est quand je vois des gens s'intéresser aux phénomènes OVNI. Pauvrement. Intéressez-vous à ça d'un point de vue intellectuel, de loin, là, ça c'est correct. Mais demandez jamais de vivre ça. Mais cette fascination que les gens ont pour les secours volants, savez-vous qu'est-ce que c'est venir en contact avec une autre civilisation? Savez-vous venir, qu'est-ce que c'est venir en contact avec des âmes, des êtres qui ont la capacité de matérialiser et de dématérialiser leur vaisseau à volonté? Ont la capacité de vous absorber complètement au niveau de votre corps astral dans la machine. Vous faites des opérations dans la machine pendant que vous êtes sur le sol, ou vous faites des opérations dans la machine pendant que vous êtes tout là avec tous vos corps. Vous faites oublier complètement l'expérience. L'électronique moderne nous permet de comprendre ce qu'on peut faire avec la lumière et le son. Là. Computer, les hologrammes. Imaginez-vous des civilisations qui ont 100 millions sur nous autres, puis on veut rencontrer ça. On a de la misère à se torcher tout seul, sans beurrer nos mains.